Les bellicistes militaires sud-coréens perpètrent plus sérieusement en septembre les provocations militaires dans nos eaux de la mer de l'ouest de Corée. Rien que le 6 courant, une navette relevant de la deuxième flotte de la marine sud-coréenne a pénétré vers 11h18 à plus de 4 km de nos eaux territoriales, au-delà de notre ligne de démarcation militaire maritime, au sud-ouest de l'île de Yeonpyeong. D'autres s'étaient infiltrés plus tard 5 fois dans nos eaux sacrées. Malgré nos avertissements réitérés de sortir immédiatement de notre territoire, les vedettes ennemies ont justifié leurs violations maritimes et ont réclamé au contraire la sortie de nos bateaux de pêche dans les eaux territoriales avant de se sauver précipitamment de crainte de nos représailles. Rappelons que les 2 et 3 courants, les bellicistes sud-coréens, ont infiltré leurs vedettes à 3 reprises dans nos eaux au nord de l'île de Paengnyeong et au sud-ouest de l'île de Yeonpyeong, alors que les 4 et 5, les navires sud-coréens ont violé délibérément nos eaux territoriales à 5 reprises.